On va parler avec notre ami Roger Brulotte. C'est vraiment le fun, les Blue Jays de Toronto qui sont en feu. Hier, une victoire contre Garrett Cole au Yankee Stadium. Jamais j'aurais pensé ça. Salut, Roger. Jamais j'aurais pensé, Danny, de les voir si proches à ce statut de la saison. Ouais. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, on mentionnait souvent dans nos discussions qu'il manquait des lanceurs de l'air. Et depuis ce temps-là, tout a changé. Tu regardes l'équipe aller, Ray est devenu un candidat pour le Cy Young, sans aucun doute. Et tu regardes les performances, sont allés chercher Berrios, les releveurs sont allés chercher, c'est plus la même équipe. Alors l'offensive a produit, oui, mais ça fait deux matchs affilés, je pense que c'est deux matchs affilés que les Yankees n'ont pas frappé de double ou de coup de circuit contre les Jays. Ouais. C'est pas croyable, hein? Ouais. Jusqu'à quel point qu'ils étaient dominants. Et dans cette série-là, je m'avais dit, Roger, il faut éviter le balayage. C'était ça la clé, là, mais jamais j'aurais pensé que deux victoires, puis possiblement qu'il y a une possibilité pour au moins trois. Là. Trois victoires sur quatre, c'est incroyable. Danny, il faut qu'on gagne trois sur quatre. Il ne faut pas qu'ils sortent de là 2-2, parce que tu te retrouves au même point que tu étais. Il faut au moins que tu ailles chercher deux matchs dans cette course pour le meilleur deuxième. Parce que écoute bien, là, ils sont passés en avant de tout le monde. Ils sont en avant des Red Sox, tout. Là. Ils sont juste derrière. Ils sont tellement proches, ils ont une chance de se retrouver là. Pour ça, c'est tellement important de gagner un des deux prochains matchs à New York. J'ai pas vu le calendrier des Yankees et des Red Sox. Est-ce qu'ils ont plusieurs matchs ensemble? C'est là que les Blue Jays... Parce que les Blue Jays, ils ont des matchs ensemble. Écoute bien, la dernière série de saison, les Yankees affrontent les Blue Jays. Ça promet. Okay. Ça devrait être toute une série. Mais les Yankees qui ont les Red Sox, eux pourraient se diviser. Là. J'ai pas vu le calendrier entre les deux équipes. Les autres, ils s'affrontent encore. Ouais. Sauf que les Jays n'affrontent plus les Red Sox. Okay. Alors, c'est pas compliqué à faire pour les Jays. Il faut continuer à jouer du baseball là-même. Gagne-en 5 sur 6. Gagne-en 6 sur 8. C'est ça que tu dois faire. Il reste 7 si tu continues matchs, à faire ça, tu vas pas s'en. Il reste 7 matchs contre les Orioles, contre les Twins également. Deux des pires équipes de la Ligue américaine. Donc, on a un calendrier très favorable. Oui, mais... Ouais. Il faut qu'ils gagnent. Ouais. Malheureusement, les Jays contre ces équipes-là n'ont pas beaucoup de succès. Alors, ces 7 matchs-là, il faut que tu en gagnes 6 sur 7. Ouais. Tu ne peux pas diviser. Il faut que tu en gagnes au moins 6 sur 7. Tu n'as pas le choix. Effectivement. Du côté des Blue Jays, ben, la relève, hein, Braden a été une déception. Ça a été une grosse déception. Par contre, la relève s'est replacée. Tu l'as mentionné, Richard, Sawyer, et ainsi de suite, là. Mais tout le monde est là, Sawyer est là, et tu regardes le rendement de Romano. Romano, c'est ça la grande différence. Et le gérant utilise bien ses releveurs à compter de la sixième manche. Mais à sa défense, auparavant, il n'y avait pas cette relève-là. Et là, les lanceurs sont déterminés quelle manche que tu lances. Alors, quand tu t'en vas au stade, tu sais quand tu vas lancer. Ouais, effectivement. Si tu lances le pas en deuxième, tu sais que tu vas lancer en sixième. Fait qu'à compter de la quatrième, sois prêt. C'est là qu'est la grande différence. Par contre, dans le match de lundi, moi, j'aurais gardé Ryu au moins une manche de plus. Il y avait seulement 80 lancés. Dans le cas de Ryu, là, si tu regardes la fiche de Ryu, lorsqu'il approche les 100 lancés, il n'est plus le même lanceur. Parce que c'est que tu sais, le match a terminé 8-0, mais le match est encore serré quand il est au monstre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a fait le changement. OK. Roger, Larry Walker. Moi, lorsque je pense à Walker, je me rappelle d'un jeu à San Diego, le relais 9-3. Si tu te rappelles de ce jeu-là, c'était Tony Fernandez était bouche bée. Te rappelles-tu de. C'était un. Moi, ah, ben oui, ah oui. Il avait retiré au premier but sur le jeu. Ouais. Larry Walker avait un des bras puissants comme voltigeur de droite. Chez les Expos, il a connu une belle carrière. Il a connu une carrière extraordinaire avec le Colorado. À Montréal, ça a très bien été, mais jamais comme au Colorado. C'est pas croyable. Bah. Il mérite d'être là. Tu regardes sa fiche. Tu regardes sa moyenne au bâton. Quand j'entends du monde dire, mais écoute bien, là, regarde sa fiche, il n'a pas joué à Denver. Attendez, là. Il y a beaucoup de monde qui ont joué au Fenway Park. Il n'y en a qu'un qui a frappé 521 coups de circuit. Mm. Il y a juste un qui a gagné toute la couronne. Alors, quand tu regardes ça, le stade est là, mais il faut que tu dois le faire pareil. Tu sais, il n'y a personne qui a frappé 60 coups de circuit au Fenway Park. Ouais. C'est sûr. C'est pour ça que je dis ça. Donnons crédit. Il y a d'autres joueurs qui ont joué à Denver, mais personne n'a répété son exploit. Ouais. Je trouve ça très injuste lorsqu'on parle de Denver. Mais quand tu parles des expos, les voitures de droite, il y en a eu des excellents. Hein, tu te rappelles? Les voitures de droite, les expos. Chez les expos? Oui. Il n'y a jamais eu un qui n'était pas bon. Ça a commencé avec Rusty Staub, tu as eu Kenny Singleton, tu as eu André Dawson, tu as eu Valentine. Larry Walker, ça finit avec Guerrero. Ouais. Et Valentine, entre ça, c'est pas trop pire comme voitureur. Ben, il y a eu Yubi Brooks qui n'était pas mauvais, mais c'était pas, il n'était pas là longtemps. Non. c'était pas là longtemps. Mais quand je regarde au complet, moi, l'histoire de Larry Walker, ça passait à Kaka. Pourquoi? Larry Walker était avec les Expos. Et les Expos ont refusé de lui faire une offre qualificative. Si on avait fait une offre qualificative, il allait être obligé de jouer à Montréal. On ne l'a pas fait. Et on l'a perdu comme joueur autonome. Ben, c'est la même histoire, mais pas le même talent. Ben non, c'est clair. Pas le même talent. C'est clair. Roger, Canadiens ont-ils une meilleure équipe que l'an passé? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais la clé est toujours le même gars, c'est Price. Ouais. Si Price s'amorce la saison en santé, ils sont meilleurs que l'année passée. Là. Tu sais, faut que tu regardes, et non, KD, t'as cherché des marqueurs. Là. On a oublié de parler d'Hoffman, mais il va faire le travail, Hoffman. Il va remplacer Tatar. Il a but, là. Et à défense, du côté offensif de Weber, non. Mais Savard, défensivement, globalement, il va faire un aussi bon travail. Je suis pas inquiète, là. Ouais. Si. Oui, t'as parti un bon joueur, sans aucun doute, en Dano, mais t'as plus de remplacer. Et il y en a un autre qui va être là en début de saison. Cole va être là en début de saison. Ouais. Là aussi, ça change. Ouais. Je pense que ce gars, globalement, oui. De ce que je lis, Roger, de ce Vorjak, ça semble être un Thomas Plekanec dans ses belles années. Raison, mais plus gros physiquement, il manque plus. Il fait le travail, c'est pour ça que je suis pas inquiète là. Et il faut pas oublier, on a toujours Evans comme quatrième joueur de centre. Ouais. Je pense que le Canadien est une meilleure équipe que l'année passée. Oui, on a perdu Weber, mais on n'a pas perdu le Weber des beaux jours. Là. Non, c'est sûr. On a perdu un Weber. Mais il jouait 24 minutes pareil par match. Je pense que quand tu regardes ça. Il jouait pareil 24 minutes. Oui, mais l'autre, il va réussir pas loin de ça. Mais ça va pas, là. Ouais, effectivement. Ça, je suis inquiète. Roger, on s'en parle bientôt. C'est pour ça qu'il m'inquiète. On s'en parle bientôt. Merci. Merci, Roger.